T'es curé de payer. T'es curé de payer. Ça, ça va être intéressant. On va suivre ça, M. Anderson. Merci de votre courriel. Tu vas-tu me parler de la SAQ? Je t'en tabarouette avec la SAQ. Qu'est-ce évidemment, qui se passe la avec SAQ, la SAQ? Éric, tu seras étonné. Très, j'espère que tu es assis, là. Et la SAQ, où ça nous coûte toujours trop cher pour refuse acheter du vin, où on n'a pas le choix d'aller ailleurs parce qu'ils ont le monopole, mais il n'y a pas rien que le vin avec lequel on se fait avoir. Ah non, non, non, il n'y a vraiment pas le vin avec lequel on se fait avoir. J'imagine que vous avez été nombreux à voir cette nouvelle-là qui est parue dans les quotidiens ce matin. Un homme montréalais, M. Delisle, en 2010, il s'en va magasiner sa bouteille de vin à la Société des alcools de Montréal qui est sur l'avenue Henri Bourassa, ici, dans le nord de la ville. Et le monsieur est tanné de voir une itinérante devant les portes de la Société des alcools du Québec. Et que je le comprends. Tanné. Écœuré, dis-le. Alors, il est écœuré. Il est carrément écœuré. Alors, il décide d'écrire une lettre, OK, qu'il a envoyée au service à la clientèle de la Société des alcools du Québec. Je te lis en gros, OK, et je te résume grossièrement les propos écrits de M. Delisle, donc à cette femme qui s'appelle Francine Beaumont. En gros, il dit, il y a des solutions pour se débarrasser des quêteux du bas de la ville qui viennent jusqu'à Onsic. Je poursuis les propos de M. Delisle. La ville pourrait brûler tout ça au lance-flammes ou au napalm, ramasser ces microbes ambulants au camion-benne à vidange et les brûler à l'incinérateur des carrières. Une balle dans la nuque pourrait aussi bien faire l'affaire. Cette lettre-là a été donc envoyée au service clientèle et le directeur de la succursale en a eu une copie. C'est quoi son nom, ce gars-là, le directeur de la succursale? Oh, je ne l'ai pas, son nom. OK. Donc, a décidé d'en faire une copie, le donner à la dame en question, l'itinérante, et en a fait des copies pour les employés également de la succursale. Fait que autrement dit, le gars, le gars, il est devant son ordi, il est écœuré, il va à SAQ de temps en temps, à tous les fois, il y a une itinérante qui le harcèle quand il sort avec sa bouteille de vin, il est écœuré, il arrive chez eux, il se met devant son ordinateur, il pète sa coche, Il dit des affaires qui probablement dépassent sa pensée, ses itinérants et sa femme en particulier. Il envoie ça au directeur de la succursale de la SAQ. Le gars de la SAQ, au lieu de répondre au gars puis dire qu'on va faire quelque chose, effectivement, que c'est pas acceptable, que nos clients se fassent écœurer par des itinérants à chaque fois qu'ils viennent acheter une bouteille de vin, il prend la lettre puis il va la donner à l'itinérante. En plus des données aux employés, parce que les employés, selon le directeur de la succursale, craignaient pour la vie de la mendiante. Tout ça s'est ramassé devant les tribunaux, sans grand étonnement, et le juge Jean-Paul Brand a dit que M. Delisle a atteint à la dignité de cette itinérante, qu'il a manifesté du mépris. Le tribunal a d'ailleurs dit que la dame en question a pleuré et pleure encore. Elle a fait une dépression et des crises d'angine, a relaté le tribunal. Hey. Alors, en bout de ligne, 8 000 $ que Robert Delisle devra verser à Mme Francine Beaumont. Mme Beaumont, si vous mettiez le quart de l'énergie que vous mettez contre ce gars-là puis pour essayer de quêter à vous trouver un job, vous seriez mauditement riche? J'essayais de parler. On essayait de parler à la Société des alcools du Québec parce que, Éric, ben oui. Le problème que vit M. Delisle, là, je le vis à ma succursale de l'avenue du Parc. Je le vis à la succursale de l'avenue Laurier. Je le vis sur Saint-Laurent. Et je le vis à la succursale de Saint-Urbain et Mont-Royal. Moi, je le vis Saint-Laurent puis des pins. Oui. À chaque fois que je vais là, j'ai un itinérant qui me harponne dès que je sors. J'aimerais connaître la position de la Société des alcools du Québec. Mais non, Caroline, oublie aux ça! Aux itinérants qui sont littéralement parkés devant la porte. Caroline, toi, t'es juste une consommatrice qui paye des taxes. Fait que, femme ta gueule. Attends, je donne 5 000 par année. L'important, là, c'est l'itinérante dehors. Elles, ils ont donné le email, puis elles, ils la traitent aux petits oignons. Mais toi, là, t'es une bonne à rien. Paye des taxes, femme ta gueule. C'est ça que la SAQ nous dit. D'ailleurs, la SAQ qui a pas le courage de venir au micro aujourd'hui. Du tout. On les a invités ce midi, ils veulent pas nous parler. Hey, belle gang de pas de couilles. Vous êtes prêtes à prendre des emails personnels, puis aller leaker, puis aller les porter à l'itinérante dehors. Ça, c'est du monde pour vous autres, là, que vous valoriser, ça c'est important de faire ça, mais vous expliquer au grand public, ça c'est pas important. Ben non, la SAQ, vous êtes au-dessus de tout ça. On est juste des caves qui payent des taxes, des impôts, puis qu'en plus on paye nos bouteilles de vin 4 fois trop cher à cause de vous autres, à cause de votre bureaucratie, puis votre belle mentalité de monde qui veulent même pas faire preuve de transparence, qui veulent pas être en onde aujourd'hui. Je vous comprends, parce que moi aussi être comme vous autres, je me cacherais, je me fermerais la gueule, parce que moi aussi j'aurais honte si j'étais vous à la SAQ. Ça a pas de sens ce que vous faites là. Vous êtes en train là de faire perdre confiance au public. La seule maudite raison pour laquelle on va à SAQ, là, c'est parce que vous n'avez pas de concurrent. C'est parce qu'on est pogné. S'il y en avait un, ça fait longtemps qu'on aurait sacré notre camp. J'arrive d'Italie, là. Je t'en ai parlé tantôt. Ah non, Caroline. Attends, c'est, écoute, c'est 3 piastres, c'est 3 euros et demi. Des bouteilles que j'achète ici à 25 piastres, j'ai payé 3 piastres. 3 euros, mettons 5 piastres. Non, non, non, ça fait avoir. Pas capable de nous parler de la politique face aux itinérants. Et cachez-vous. Là, j'ai pas de problème avec les itinérants. Là, si moi, je décide d'y acheter un sandwich chez Starbucks, ça me regarde. Mais je ne veux pas me faire solliciter par un itinérant à tous les jours. Oui, je bois tous les jours. Ben oui. Je donne 5000 piastres à la Société des alcools du Québec, moi, par année. Bon, 5000, c'est un peu exagéré, là. Mettons 3000. Peut-être plus que ça. Ben peut-être. Okay. Protège mon identité, s'il te plaît. Excuse-moi. Mais... alors, peut-être que la Société des alcools... Mais attends, le 5 000 piastres, c'est pas tant que ça. Là, si t'enlèves les taxes, tu bois rien que pour 1 000 piastres, là, dis-toi ça. Finalement, j'en ai pas de problème. Quel problème d'alcool? Quel problème d'alcool? Bon, on va arrêter de jaser, de se fâcher. Ça donne rien. De toute façon, il va falloir continuer à acheter notre vin à SAQ. En attendant, on va parler de sport.